2. Le reflet. Durant plus d'un mois, la fièvre dompta chez Raoul la raison rebelle encore et qui secouait parfois rudement ses illusions dorées. S'il demeurait assis dans sa chaise, le jour à se rendre compte de sa triste identité, s'il parvenait à se reconnaître, à se comprendre, à se saisir, la nuit son existence réelle lui était enlevée par des songes extraordinaires, et il en subissait une tout autre entièrement absurde et hyperbolique, pareil à ce paysan bourguignon, qui pendant son sommeil fut transporté dans le palais de son duc, et s'y réveilla entouré de soins et d'honneurs, comme s'il fût le prince lui-même. Toutes les nuits, Spifam était le véritable roi Henri II. Il siégeait au Louvre, il chevauchait devant les armées, tenait de grands conseils ou présidait à des banquets splendides. Alors quelquefois il se rappelait un avocat du palais, seigneur des Granges, pour lequel il ressentait une vive affection. L'horreur ne revenait pas sans que cet avocat n'eût obtenu quelque éclatant témoignage d'amitié et d'estime. Tantôt le mortier du président, tantôt le sceau de l'État, ou quelque cordon de ses ordres. Spifam avait la conviction que ses rêves étaient sa vie, et que sa prison n'était qu'un rêve, car on sait qu'il répétait souvent le soir « Nous avons bien mal dormi cette nuit. Oh, les fâcheux songes !» On a pensé toujours depuis, en recueillant les détails de cette existence singulière, que l'infortuné était victime d'une de ces fascinations magnétiques, dont la science se rend mieux compte aujourd'hui. Tout semblable d'apparence au roi, reflet de cet autre lui-même et confondu par cette similitude, d'Auchinca fut émerveillé, Spifam en plongeant son regard dans celui du prince, épuisa tout à coup la conscience d'une seconde personnalité. C'est pourquoi, après s'être assimilé par le regard, il s'identifia au roi dans la pensée, et se figura désormais être celui qui, le 16e jour de juin 1549, était entré dans la ville de Paris, par la porte Saint-Denis, parée de très belles et riches tapisseries, avec un tel bruit et tonnerre d'artillerie que toute maison en tremblait. Il ne fut pas fâché non plus d'avoir privé de leur office les sieurs Liguet, François de Saint-André et Antoine Ménard, président au Parlement de Paris. C'était une petite dette d'amitié que Henri payait à Spifam. Nous avons relevé avec intérêt tous les singuliers périodes de cette folie qui ne peuvent être indifférents pour cette science des phénomènes de l'âme, si creusée par les philosophes, et qui ne peut encore, hélas, réunir que des effets et des résultats en raisonnant avide sur les causes que Dieu nous cache. Voici une bizarre scène qui fut rapportée par un des gardiens au médecin principal de la maison. Cet homme, à qui le prisonnier faisait des largesses toutes royales, avec le peu d'argent qu'on lui attribuait sur ses biens séquestrés, se plaisait à orner de son mieux la cellule de Raoul Spifam, et y plaça un jour un antique miroir d'acier poli, les autres étant défendus dans la maison par la crainte qu'on avait que les fous ne se blessassent en les brisant. Spifam n'y fit d'abord que peu d'attention. Mais quand le soir fut venu, il se promenait mélancoliquement dans sa chambre, lorsqu'au milieu de sa marche, l'aspect de sa figure reproduite le fit s'arrêter tout à coup. Forcé dans cet instant de veille de croire à son individualité réelle, tronc confirmé par les triples murs de sa prison, il crut voir tout à coup le roi venir à lui, d'abord d'une galerie éloignée, et lui parler par un guichet comme compatissant à son sort, sur quoi il se hâta de s'incliner profondément. Lorsqu'il se releva en jetant les yeux sur le prétendu prince, il vit distinctement l'image se relever aussi, signe certain que le roi l'avait salué, ce dont il conçut une grande joie et honneur infini. Alors il s'élança dans d'immenses récriminations contre les traîtres qui l'avaient mis dans cette situation, l'ayant noirci sans doute près de sa majesté. Il pleura même, le pauvre gentilhomme, en protestant de son innocence et demandant à confondre ses ennemis, ce dont le prince parut singulièrement touché, car une larme brillait en suivant les contours de son nez royal. À cet aspect, un éclair de joie illumina les traits de Spifam. Le roi souriait déjà, d'un air affable. Il tendit la main. Spifam avança la sienne. Le miroir, rudement frappé, se détacha de la muraille et roula à terre avec un bruit terrible qui fit accourir les gardiens. La nuit suivante, ordre fut donné par le pauvre fou, dans son rêve, d'élargir aussitôt Spifam, injustement détenu, et faussement accusé d'avoir voulu, comme favori, empiété sur les droits et attributions du roi. Son maître et son ami, création d'un haut office de directeur du sceau royal, en faveur du dit Spifam, chargé désormais de conduire à bien les choses périclitantes du royaume. Plusieurs jours de fièvre succédèrent à la profonde secousse que tous ces graves événements avaient produite sur un tel cerveau. Le délire fut si grave que le médecin s'en inquiéta. et fit transporter le fou dans un local plus vaste, où l'on pensa que la compagnie d'autres prisonniers pourrait de temps en temps le détourner de ses méditations habituelles.